Innovation des laboratoires LIERAC. Pour un effet lifting sans injection, découvrez Lift Intégral des laboratoires LIERAC. La crème Lift Intégral lisse, raffermit et repulpe la peau grâce à la tulipe liftante brevetée et au concentré d'acide hyaluronique. Les rides sont réduites jusqu'à 39% et 90% des femmes trouvent leur peau raffermie. En ce moment, pour l'achat d'un soin anti-âge Lift Intégral, votre soin complémentaire offert. Dans la limite des stocks disponibles en pharmacie, parapharmacie ou sur LIERAC.fr. Détails des tests cliniques sur LIERAC.fr. Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de l'héritage de Pierre Bourdieu, initialement diffusée en octobre 2020. Aujourd'hui, troisième temps, l'État est-il une illusion? Pourquoi sommes-nous soumis? Pourquoi respectons-nous la loi même quand on ne sait pas d'où elle vient? Pourquoi personne ne se surprend de ce respect ou de cette soumission générale, voire sociale, qui permet à un pays de tenir? En un mot, pourquoi sommes-nous, comme le dit Bourdieu, étatisé? Si nous sommes si soumis, finalement, si nous arrêtons au feu rouge, si nous faisons toutes ces choses étonnantes, enfin, bon, les sociologues et les anthropologues ne s'étonnent pas assez. Les anthropologues, parfois, parce qu'ils sont devant des ordres sociaux si contraires à l'ordre social auquel ils sont habitués, et ils sont obligés de s'étonner. Mais nous, presque par définition, étant comme des poissons dans l'eau, dans l'ordre social, nous ne voyons pas ce que ça a d'extraordinaire, que tant de gens fassent tant de choses raisonnables, alors qu'il y a la possibilité de tant de folies. Je prends l'exemple les plus grossiers, de prendre les feux rouges, de prendre les sens interdits, etc. Mais à tout instant, le monde social est en péril. Or, cet ordre périlleux, incertain, qui est un peu comme la roulette, en réalité, ça roule, ça marche, et en gros, il y a tellement peu de catastrophes. Nous sommes immergés dès l'origine dans des ordres sociaux, la famille, l'école, etc. Bon, et à travers tous ces ordres, nous sommes, comme dit Thomas Bernhard dans ce magnifique texte des maîtres anciens, nous sommes étatisés. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch. Then fight! Bonjour Étienne Aulion. Bonjour Adèle Tendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Quand Public Enemy en appelle à to fight the power, se battre contre le pouvoir, c'est le sens de cette chanson. Mais quand Bourdieu lui diagnostique l'état de soumission sociale dans lequel nous nous trouvons face à l'État, il n'en appelle pas à l'insurrection, si? Il en appelle d'une certaine manière à l'insurrection, mais il en appelle à une insurrection qui est une insurrection qui ne se reposerait pas forcément sur des moyens physiques. Il appelle aussi à une insurrection mentale qui serait de prendre en compte les systèmes et les structures dans lesquelles on est pris à un moment donné et dont on peut ne pas avoir conscience et qui participent de la reproduction de cet ordre social. Dans l'extrait qu'on a entendu, il a employé le mot de « étatiser » comme pour mieux signifier ce qu'il décrivait avant comme étant notre état de soumission. Être étatisé, ça veut dire être soumis? Non, être étatisé, ça ne veut pas forcément être soumis. Et je pense que Bourdieu aurait été une des premières personnes à dire qu'à travers l'État, il y a aussi des possibilités d'égalisation sociale, par exemple via l'imposition, ou de faire de respect en fait des libertés individuelles. Je pense qu'en disant, en appelant l'attention sur l'étatisation des conscience, hein, des structures mentales, ce que Bourdieu tente de faire, c'est d'essayer de montrer le lien qui peut exister entre d'un côté la puissance publique telle qu'on la connaît, avec toutes ses administrations, et de l'autre côté la manière qu'on a de voir le monde social. Plus concrètement, en fait, que fait l'État pour diffuser des manières de voir dans une société à un moment donné qui vont participer de la naturalisation de l'ordre social et du fait, comme il le disait lui-même, qu'on ne se révolte pas à un moment donné contre une situation donnée. Vous êtes Étienne Ollion, sociologue, chercheur au CNRS. Vous avez fait paraître en 2017 « Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France » aux éditions de La Découverte. Quel est votre rapport à Bourdieu ? Écoutez, moi j'ai un rapport à Bourdieu qui est un rapport relativement apaisé, j'ai envie de dire. J'écoutais la première émission de cette semaine et Jean-Louis Fabiani expliquait que il y a un certain moment donné, il avait fallu choisir un camp, en fait, qu'on était pour ou avec Bourdieu. Et pour ou contre ? Non, pas pour ou avec. Pour ou contre Bourdieu, voilà. Mais ou contre et contre, en tout cas, d'une certaine manière, qu'il fallait choisir un camp. Et moi, je suis d'une génération un petit peu différente. Hein. J'ai grandi en sociologie, j'ai fait mes études au milieu des années 2000. Et je suis pas complètement naïf, je vois bien qu'il y avait eu des batailles, je vois bien qu'il y avait eu des luttes. Mais en tout cas, j'ai pas senti d'injonction à me positionner pour ou contre Bourdieu. J'ai pas senti une espèce d'hostilité franche à utiliser les concepts de Bourdieu. J'étais plutôt dans une situation où, en fait, on discutait ces concepts, on les reprenait, on les critiquait, sans pour autant avoir à s'imposer ou se mettre à distance. Et vous avez fait une partie de votre travail de thèse ou votre thèse à l'Université de Chicago. Et quelle place joue Bourdieu à Chicago, où il y a ce qu'on appelle une école de sociologie très importante? Oui, alors j'étais en effet entre le HESS et l'Université de Chicago pour faire ma thèse. Hein, et c'est là peut-être que je me suis rendu compte que j'avais fait de la sociologie bourdieusienne un peu plus que je ne le pensais et sans le savoir. Hein. J'étais un peu comme le monsieur Jourdain de la sociologie bourdieusienne qui la pratique sans même la connaître, parce qu'en arrivant à l'Université de Chicago, je me suis rendu compte que toute une série de débats qui existaient en France et qui, de fait, devaient s'appuyer sur ces querelles passées, étaient des débats qui n'existaient pas là-bas et que Bourdieu était une manière, en fait, de penser le monde social, mais une manière parmi d'autres. Mm-hmm. Qu'il y avait bien d'autres manières de considérer la sociologie aux États-Unis. Alors, en disant ça, il faut aussi rajouter quelque chose, c'est que j'arrive donc à Chicago en 2007 et on me dit, quand j'arrive, en fait, j'ai une charge d'enseignement et on me dit, vous êtes français, en fait, il y a un truc qui vraiment nous arrangerait, ce serait que vous fassiez un cours sur Bourdieu. Donc j'avais quitté la France, non pas contre Bourdieu ou pour Bourdieu, enfin voilà, mais... Et j'arrive aux États-Unis, on me dit, va falloir faire un cours sur Bourdieu. Et ce cours a eu, et ça n'a rien à voir avec moi, hein, un succès incroyable, parce qu'on était au moment où Pierre Bourdieu, aux États-Unis, mais de manière plus globale à l'étranger, à l'international, comme on dit maintenant, devenait une figure vraiment centrale, en fait, de la sociologie mondiale. Et j'ai fait un... Donc 2007, vous dites, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est joué? Oui, on a, à partir de 2007, une espèce de vague très forte. Ça fait, hein, à partir des années 80, j'avais retracé cette irruption des sociologues français dans la sociologie états-unienne dans un article. Et Bourdieu arrive en plusieurs vagues. Il est importé dans les années 1970 par les travaux sur l'école, dans les années 80 par les travaux sur la culture, la distinction. Mais le moment où, en fait, Bourdieu va commencer à être présenté comme un théoricien du social plus général, donc pas quelqu'un qui est importé dans un champ particulier, ce sera plutôt au tournant des années 2000 et ça va beaucoup se diffuser à ce moment-là. Mais c'est à tel point qu'à l'heure actuelle, Bourdieu est le sociologue le plus cité, le plus mobilisé aux États-Unis. C'est pas le théoricien étranger, c'est pas le théoricien tout court, c'est vraiment le sociologue qui à l'heure actuelle est le plus mobilisé. Et ça veut dire quoi être bourdieusien aujourd'hui ? Je pense que c'est une question qui est propre à chacune des personnes qui sont dans cette position-là. Moi, je me définis assez peu comme ça, tout en l'étant certainement. C'est quelque chose, c'est un héritage, en fait, d'une série de concepts, d'un rapport à la science, d'une manière d'aborder les objets. Après, c'est pas moi qui vais tenter de définir ça. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux laisser ça assez ouvert. Alors, on parle de l'État aujourd'hui. On va voir comment, justement, Bourdieu s'empare de ce qu'est l'État. Voici d'abord une tentative de définition du concept d'État. Il en parle à plusieurs reprises. Il en parle dans La noblesse d'État, qui part en 1989, dans La misère du monde, en 1993. Et entre-temps, il y a eu ses cours au Collège de France, qu'on trouve publié aux éditions du Seuil, qui s'appelle Sur l'État, dont voici un extrait, tentative donc de définition du concept d'État, par Pierre Bourdieu. S'agissant d'étudier l'État, nous devons être en garde plus que jamais contre les prénotions, contre les idées reçues, contre la sociologie spontanée. Pour résumer l'analyse historique des rapports entre la sociologie et l'État, j'indique que nous risquons d'appliquer à l'État une pensée d'État. Et j'insiste sur le fait que notre pensée, les structures mêmes de la conscience, à travers laquelle nous construisons le monde social et cet objet particulier qu'est l'État, ont de bonnes chances d'être le produit de l'État. S'il est facile de dire des choses faciles sur cet objet, c'est précisément parce que nous sommes pénétrés, en quelque sorte, par cela même que nous devons étudier. Nous devons crever une série d'écrans, de représentations, l'État étant, si tant est qu'il est une existence, un principe de production, de représentation légitime du monde social. Si je devais donner une définition provisoire de ce que l'on appelle l'État, je dirais que le secteur du champ de pouvoir, qu'on peut appeler champ administratif ou champ de fonction publique, ce secteur auquel on pense particulièrement quand on parle d'État sans plus de précision, se définit comme la possession du monopole de la violence physique et symbolique légitime. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Bourdieu cette semaine. Sommes-nous tous les héritiers de Bourdieu et aujourd'hui en particulier du concept d'État, en compagnie du sociologue Étienne Aulion. Premier paradoxe pour le sociologue lorsqu'il s'intéresse à la question, au concept de l'État, il est presque impossible de le définir, tant nous sommes nous-mêmes pénétrés par cela même que nous devons étudier, nous dit Pierre Bourdieu. Oui, c'est en effet ce qu'il dit au début de ce texte. On est toujours au risque, en fait, de reproduire ce qu'il appelle une pensée d'État. C'est le paradoxe assez habituel, en fait, de l'individu qui tente de comprendre le monde dans lequel il est. Je comprends le monde et pourtant il me comprend, disait Bourdieu dans les Méditations pascaliennes, reprenant un autre philosophe. Et de ce point de vue-là, Bourdieu exprimait une certaine difficulté, en fait, à... en tout cas, difficulté qui se pose aux chercheurs quand il s'agit de penser, en fait, cette chose qu'est l'État. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, cette difficulté, parce qu'à mon avis, elle explique peut-être le fait que Bourdieu ait mis assez longtemps à théoriser la question de l'État, et les faits, non pas à la fin de sa vie, mais en tout cas dans une deuxième partie bien avancée, puisque vous avez cité ces textes, La noblesse d'État, 1989, Les cours sur l'État, c'est 86-92, et puis ensuite, il va y avoir d'autres travaux, en partie dans La misère du monde, en partie dans Les structures sociales de l'économie qui paraîtront dans la décennie suivante. Mais finalement, à part quelques articles, Bourdieu avait assez peu travaillé cette question de l'État. Il va évidemment toucher l'État de plein de manières, quand on travaille sur la culture, quand on travaille sur l'école, évidemment. Mais il le travaille relativement peu. Et peut-être qu'on a là le signe d'une difficulté, justement, à pouvoir se saisir de cet objet quand on est soi-même à la fois un fonctionnaire, un citoyen français, et peut-être aussi un produit de la méritocratie qui, grâce à l'État, d'une certaine manière, a réussi à se hisser dans les plus hautes sphères de la société intellectuelle française. Et donc Bourdieu explique cette difficulté et dit que c'est relativement complexe de parvenir en fait à penser l'État, ou qu'il faut faire un effort plus difficile. Ça renvoie plus généralement à la réflexion que Bourdieu a sur les catégories de pensée et ce qu'on disait en introduction de cette émission, la capacité qu'a l'État à imposer des manières de penser dans une société donnée. Et il le dit bien d'ailleurs, cette capacité est d'autant plus surprenante qu'elle ne prend pas la forme d'une coercition directe, mais plutôt qu'elle vient s'infiltrer dans les structures de notre propre conscience. Au fond, c'est ça aussi la valeur ajoutée de l'analyse de l'État par Bourdieu, c'est de montrer que l'État est aussi est diffus, il est dans nos consciences. Tout à fait, c'est la remarque qu'il fait tout à la fin de cet entretien, de cet extrait que vous avez lu, où il dit l'État, c'est ce groupement d'individus qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Là, on est dans une définition extrêmement weberienne de l'État, on le reconnaît très bien. Et Bourdieu va ajouter un codicille, mais un codicille d'importance qui est la violence physique et symbolique. Et alors, qu'est-ce qu'il entend par violence symbolique? C'est en fait la capacité qu'a l'État, et on reviendra ensuite sur, est-ce que c'est le bon terme, État, ou est-ce qu'il faut dire autre chose? Parce qu'il mentionne dans cet extrait qui est très riche, que vous avez mentionné, le champ du pouvoir, je pense que c'est peut-être le meilleur terme. Mm-hmm. Mais pour rester sur la question du capital symbolique ou de la violence symbolique, Bourdieu va dire que d'une certaine manière, les pouvoirs publics imposent des manières de voir et tentent à naturaliser l'ordre public. Et un exemple très simple de ça, c'est ce qu'il montre dans les travaux qu'il a fait sur l'école, où il explique qu'on va avoir tendance à naturaliser et individualiser ce qui est la réussite scolaire, ce qui n'est souvent beaucoup qu'un jugement, en fait, porté sur vos origines sociales et sur la place qu'ont joué votre éducation dans votre réussite scolaire. Quand on est dans une situation où, en fait, les étudiants réussissent à l'école, on a tendance à penser que c'est par leur propre talent, et en fait, Bourdieu va expliquer que, et va montrer d'ailleurs, que c'est en partie parce que, du fait du capital culturel transmis par les parents, les personnes, en fait, avaient toutes les chances de réussir. Et ce faisant, en naturalisant cette réussite comme individuelle, on naturalise aussi l'ordre social en faisant accepter qu'il y a des gens qui sont meilleurs et moins bons, et donc on naturalise la hiérarchie des positions dans une société donnée. Naturaliser, ça veut dire tenir pour naturel, presque inné, c'est ça? Exactement. Ça veut dire... ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui presque essentialiser, non? Bourdieu dirait la même chose. Ouais. Et donc on est dans cette situation-là. Et donc quand on a un État, en fait, une structure administrative, un ensemble d'organisations de services publics qui produisent en fait des manières de voir, elles participent en fait de la naturalisation de ces manières de voir et de l'ordre dans une certaine société. Mais on pourrait en prendre énormément d'exemples. Toutes les controverses qui touchent, par exemple, l'éducation autour des manuels scolaires, ça ne sont jamais que des manières, en fait, de naturaliser ce qui est la bonne manière de raconter l'histoire. Quand on parle de l'histoire, ou pour des choses que je connais peut-être un petit peu mieux, quand on parle de la définition des programmes de sciences économiques et sociales au secondaire, est-ce qu'on va penser que la dette, est-ce qu'on va écrire dans les manuels que la dette, c'est quelque chose qui est... finalement, un investissement productif pour le futur, ou alors est-ce que la dette, c'est quelque chose qui est une faiblesse et un danger, en fait, dans la société contemporaine. Ce faisant, en fait, on diffuse une série de manières de voir, et les pouvoirs publics en France, on pourrait se poser la question de... Oui. Et à l'étranger, les pouvoirs publics en France ont une capacité de diffusion symbolique extrêmement forte, parce que, justement, ils ont le contrôle sur les programmes, qu'on est dans un État qui est encore relativement centralisé, et que, quand on impose, en fait, le programme scolaire, on sait qu'il va venir toucher 12 millions de jeunes Français à un moment donné. Donc, l'État, en France, a cette capacité d'imposition extrêmement forte. Et donc, ce qui le rend particulièrement ambivalent pour les citoyens que nous sommes, c'est que nous avons tendance à le naturaliser, voire même à le sacraliser, dira Bourdieu, si bien que nous adoptons assez naturellement une attitude de soumission. Nous respectons l'État à tel point que nous oublions même que celui-ci a une histoire, est aussi le résultat d'une série de contingences et qu'il n'est pas en lui-même nécessaire. Bourdieu reprend par là une analyse pascalienne, puisqu'il fera plus tard les méditations pascaliennes. Pascal dit bien qu'au fond, ce qu'il y a de plus incroyable dans notre respect de la loi, c'est qu'on oublie que ces lois-là ne sont pas justes naturellement, mais que nous avons décidé un jour que ces lois allaient être de vigueur et qu'au fond, c'est la loi du plus fort qui prend le masque de la loi juridique. Bourdieu ne dit pas autre chose en disant qu'au fond, l'État que nous tenons pour naturel est absolument légitime et le résultat de contingences. Oui, tout à fait. Et il va s'attacher dans certains de ses travaux, et je pense que des personnes qui ont travaillé dans la veine bourdieusienne, que ce soit des historiens ou des sociologues, ensuite vont tenter de poursuivre ça, mais de montrer la genèse, en fait, de cet État, et de savoir comment est-ce qu'il s'est constitué à un moment donné, et avec quel ressort, et avec quelle critique aussi, éventuellement. Ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que on a ici un État qui donc impose ses manières de voir et qui va avoir tendance à universaliser des points de vue. Dans mon travail de thèse, je me suis intéressé à la question des sectes et j'ai essayé de faire cette genèse, en fait, de la politique française de lutte contre les sectes qui, à un moment donné, est extrêmement forte, reprise en charge par les pouvoirs publics, mais qui, pendant longtemps, a été une cause relativement particulière menée par des parents qui étaient opposés au départ de leurs enfants dans ces groupes. À partir du moment où les pouvoirs publics vont s'engager dans la question des sectes, ils vont opérer une sorte de rehaussement ontologique, en fait, de ce sujet qui était un sujet particulier et de particulier, et quand l'État s'investit de manière un peu brutale au milieu des années 1990, la cause devient une cause quasi universelle dont tout un chacun doit se saisir, et on le voit à plusieurs indices, les groupes qui sont qualifiés de sectes sont mis au banc de la société et sont l'objet d'une réprobation, et les associations de lutte contre les sectes et les différents groupes qui luttent contre ces sectes vont, eux, connaître un afflux de bénévoles qui sont tout à fait différents, en fait, des personnes qui étaient là avant. Ce sont des personnes qui n'étaient plus touchées par le sujet, mais qui vont devenir des personnes qui viennent en conscience, en fait. Et donc, on voit bien, à travers cet exemple très particulier, en fait, la capacité d'universalisation que vous évoquiez à l'instant, qu'à la puissance publique quand elle se saisit d'un sujet particulier. Et évidemment, on pourrait transposer à toute une série d'autres sujets. Ce qui est assez effrayant, c'est de se rendre compte que ce qu'on appelle l'État, et qui a autant d'influence et de pouvoir sur nous, n'est pas directement assignable à quelque chose ou à quelqu'un. Au fond, il est très difficile de définir où est l'État et ce qu'est l'État, Étienne Ollion. Oui, et alors c'est d'autant plus que Bourdieu va dire que quand on pense l'État, peut-être que le bon terme, c'est pas l'État. Bourdieu, vous le disiez dans l'extrait que vous avez cité il y a un instant, préfère parler de champ du pouvoir. Alors qu'est-ce que c'est le champ du pouvoir? Alors qu'est-ce que c'est que le champ du pouvoir? Le champ du pouvoir, donc c'est un déplacement assez classique chez Bourdieu, c'est de dire il faut pas forcément prendre les objets tels qu'ils sont constitués, mais il faut tenter de les repenser, éventuellement de les reconfigurer. Et donc ici, il applique le concept de champ, hein, qu'il hérite assez classiquement de Max Weber, en fait, qu'il avait développé sur le champ religieux. Et ce que fait Bourdieu à ce moment-là, c'est qu'il va, à travers ce concept de champ, qui est en fait ce microcosme d'individus qui sont intéressés à la même chose, donc on peut avoir un champ artistique, hein, de gens qui sont intéressés à réussir à produire de l'art ou à l'évaluer, un champ littéraire, un champ philosophique, un champ académique, etc. À travers le concept de champ du pouvoir, Bourdieu va proposer un déplacement que je trouve est assez intéressant, qui est, d'une certaine manière... Voilà, on va tenter de penser ensemble des choses qu'on pourrait avoir tendance à séparer. Et qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on va avoir tendance à séparer? C'est par exemple l'État, si on dit l'État, et tout ce qui est les entreprises privées. Et Bourdieu va dire, en fait, il est beaucoup plus intéressant de penser ensemble toutes ces personnes et ces institutions qui sont en lutte pour la possession du pouvoir sur une société à un moment donné. Donc de penser ensemble les relations qui existeraient entre ces gens-là. Et donc de se défaire des frontières qui peuvent exister entre, si on prend une approche juridictionnelle ou juriste, l'État d'un côté avec ses contours bien définis par la droit, l'administration, et de l'autre côté, les entreprises privées. Et ce que ça permet de faire, en fait, c'est que ça permet de voir l'intégralité, ou de se donner comme programme de recherche, de saisir l'intégralité des relations qui peuvent exister entre différentes personnes en vue de la conquête du pouvoir à un moment donné. Et l'actualité est riche, en fait, de remarques ou d'exemples qui montrent ça. Enfin, vous voyez, quand on est à l'heure actuelle en train de discuter de savoir quelle est la place qu'a pu jouer l'État dans la vente, en fait, de Suez à Veolia, avec le rôle de Engie où l'État avait des participations. On voit très bien ici qu'on a tout intérêt, en fait, à tenter de penser ensemble des acteurs du privé, du public, qui autrement pourraient être plutôt séparés si on menait une analyse portée uniquement sur l'État. Oui, mais alors là, c'est plus de l'État dont on parle, c'est de personnes qui détiennent le pouvoir. Tout à fait. Donc, on n'est plus en train de parler de l'État. Et dans ce champ du pouvoir, on peut replacer les institutions étatiques, parce que les personnes qui sont, et c'est un très bon point, parce que ça permet d'introduire une deuxième nuance que Bourdieu va faire là, c'est de dire ce champ du pouvoir, en fait, il est différencié avec des personnes qui ont des intérêts différents. Et donc, quand on est représentant de l'État, on n'a pas forcément les mêmes intérêts que les personnes qui sont dans le privé. Et même si on concourt tous pour le pouvoir, on ne le vit pas et on n'agit pas forcément de la même manière. D'une certaine manière, ça permet aussi de s'écarter de certaines caractérisations qui sont assez fréquentes dans le débat public à l'heure actuelle. Parce que une fois qu'on a fait cette description, où on dit que l'État, finalement, c'est... pas l'État, mais qu'il y a le champ du pouvoir avec des gens qui ont des interrelations extrêmement fortes, et on pourrait citer de très nombreux exemples, très vite arrive la tentation d'avoir une vision un peu homogénéisante, en fait, de tout ce groupe qu'on pourrait appeler les élites, que certains appellent la caste à l'heure actuelle. Et le problème, en fait, d'une réflexion en termes indifférenciés de caste, par exemple, qui est un terme qu'on reprend beaucoup à l'heure actuelle, c'est qu'elle fait, selon Bourdieu, et je suis d'accord avec lui ici, assez peu droit, en fait, aux différences, en fait, qui peuvent exister entre ces personnes et qui vont, dans leur recherche, en fait, de pouvoir, en fait, tenter et avoir des intérêts spécifiques qui vont les amener à prendre des positions relativement différentes. Et je pense que on pourrait reprendre différentes affaires, hein. Je parlais de Suez-Veolia ici, mais on pourrait en prendre d'autres, où on va avoir des personnes qui, on ne comprendra les arrangements qui ont été faits, le fait que deux syndicalistes vont sortir finalement d'une salle au moment du vote, etc., que si on arrive à voir les intérêts spécifiques que ces personnes-là ont ensemble. Et donc, c'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement de faire un mouvement premier de généralisation qui pourrait laisser penser une certaine collusion de personnes qui ont tous le même intérêt, mais il faut arriver à penser plus large et en même temps penser plus finement. Et je crois que c'est ça que Bourdieu essaie de faire avec cette notion de champ du pouvoir. Et quand on se place au sein de ce champ du pouvoir, il y a une question qui va surgir, parce que forcément ce champ du pouvoir s'adresse à tout le monde, même s'il ne concerne que certaines personnes. C'est la question « Que faire des pauvres ?» que Bourdieu lui-même pose dans l'extrait que vous allez entendre, et c'est l'occasion pour lui de distinguer ce qu'il appelle l'état de la main gauche et l'état de la main droite. Le mot « pauvre » est un concept contre lequel je n'ai rien, mais enfin qui est associé à l'idée de charité, le pauvre est le produit d'un certain rapport social. Autrefois, on parlait de peuple, enfin on parlait de démunis, de dépossédés, etc. etc. Bon, on se place donc dans la logique de la charité, et cet état charitable, enfin qui devrait substituer une charité d'état, c'est-à-dire une justice, enfin à la charité privée, cet état aujourd'hui ne sait pas trop quoi faire de ces pauvres. Enfin, j'ai l'habitude de distinguer entre l'état de la main droite et l'état de la main gauche. Enfin, l'état de la main gauche, c'est-à-dire l'état social, les travailleurs sociaux, la bureaucratie de l'assistance, etc. Cet état se sent renié par l'état de droite, l'état anarchique, l'état des finances, l'état de la rue de Rivoli, bon, enfin qui n'est plus la rue de Rivoli. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, l'état et l'ensemble des instances dirigeantes sont le lieu d'une contradiction, comme si les gouvernants ne voulaient pas savoir, en un sens, la vérité de la politique qu'ils pratiquent. Bon, ces pauvres, entre guillemets, dont on parle, sont pour une grande partie le produit d'une action d'État. C'est là où on voit que la pensée de Bourdieu sur l'État est très subtile et nécessite beaucoup de médiation. Étienne Ollier, ça tombe bien, vous êtes là pour ça ce matin. C'est qu'en fait, quand on parle de l'État comme champ du pouvoir, on a l'air d'exclure toute une partie de la population de ce qu'on appelle l'État. Or, dit Bourdieu, l'État, c'est aussi, à deux mains donc, c'est aussi la main gauche, c'est-à-dire l'État social, le travail social, la bureaucratie de l'assistance et tous ces employés de l'État qui eux aussi en font partie sans pour autant être les détenteurs de ce champ du pouvoir. Oui, bah c'est pour ça qu'en effet, le concept de champ, encore une fois, qui reprend à Weber avec ses logiques de différenciation et de hiérarchisation est utile. Hein. Weber rappelait bien que dans le champ religieux, il y a des personnes qui ont plus de légitimité, plus de visibilité que d'autres. Et Bourdieu va, de ce point de vue-là, tenter de penser ça de la même manière. Et donc, il dirait à l'intérieur de ce champ du pouvoir que vous avez des personnes qui sont bien plus dotées que d'autres, et il faut bien sûr penser la hiérarchie des postes, mais peut-être aussi la hiérarchie des ministères. Hein. On évoquait ici justement la distinction entre la main droite et la main gauche de l'État, entre les ministères régaliens, les ministères économiques et les ministères dépensiers. On a cette situation où vous avez aussi une espèce de hiérarchie, parfois même au plus haut de l'État, entre différents ministères. Et pourtant, est-ce qu'on parle du même État? Lorsqu'on parle de l'État de la main droite et de l'État de la main gauche, est-ce que c'est pas deux États ou est-ce qu'il n'y a pas deux Bourdieu? Parce que lui-même semble aussi évoluer dans sa propre conception de l'État. C'est une contradiction ou c'est deux moments différents? Non, je pense pas que ce soit une contradiction. Je pense que, du coup, on est dans une situation où l'État doit être ou le champ du pouvoir ou le champ administratif. Faudrait voir quel est l'objet précis dont on parle, en fait, selon ce qui nous intéresse. Mérite d'être pensé ensemble. Et donc, on ne peut pas comprendre, selon Bourdieu, les relations la politique que va mener la main gauche de l'État si on ne regarde pas ce que fait la main droite de l'État en même temps. Et de la même manière, on ne comprend pas, en fait, ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la main droite si on ne regarde pas la main gauche ou l'absence de main gauche. Un exemple très simple, si vous voulez, qui a eu lieu autour des mobilisations états-uniennes sur Defund the Police, donc cesser de financer la police. Et une partie des revendications autour de ça, c'était moins des revendications pour cesser de financer la main droite de l'État, la police, que pour demander qu'une partie de ces fonds soit allouée à la main gauche, c'est-à-dire des services sociaux, des services psychiatriques, des services de santé. Parce que, disaient les personnes qui se mobilisaient, ce faisant, on éviterait de gérer la gestion de problèmes psychiatriques et sociaux à la main droite de l'État, qui n'est pas équipée, en fait, pour gérer ça. Et que plusieurs des arrestations dramatiques qui ont eu lieu aux États-Unis, qui sont parfois terminées par la mort de la personne interpellée, étaient des interventions qui avaient comme objet, comme sujet en l'occurrence, une personne qui était dans une situation soit de détresse sociale, soit de détresse mentale au moment de son arrestation. Et donc, à mon avis, il est très pertinent de conserver et de penser ensemble, main droite et main gauche, parce que quand on donne à la main droite et qu'on enlève à la main gauche, ou inversement, on a des effets sur la société. Et est-ce que le main droite, main gauche, ça recoupe la distinction politique entre la droite et la gauche? Les partis de droite seraient ceux qui privilégient la main droite et les partis de gauche la main gauche? Je pense qu'en première approximation, on pourrait dire ça. Après, on pourrait sûrement montrer qu'à l'intérieur même de chacun des gouvernements, on a des personnes qui sont sur un spectre plus à droite et qui vont avoir les ministères plus de la main droite, et des gens qui sont plus à gauche et qui auront les ministères plus de gauche. Oui, je pense que ça demanderait à être creusé, mais c'est une intuition. Il y a peut-être plusieurs mains, hein, de toute façon. Il n'y a peut-être pas que deux mains, justement. Il y a peut-être plusieurs mains. Moi, j'ai quelques convictions en politique fortes. Je veux que la France soit un pays sérieux et un pays heureux. Un pays sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays qui ne vit pas à crédit. On l'a fait dans notre histoire. Vous qui êtes historien de la chose politique, monsieur Duhamel, vous le savez bien. Il y a une période pas si lointaine de notre histoire où on a vécu à crédit. On allait faire nos fins de mois à l'étranger. On voit où ça mène. Moi, je ne veux pas de ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut réduire les déficits. On me parle parfois de l'autre politique. Moi, j'ai une politique qui consiste à faire que la France soit prise au sérieux parce qu'elle réduit ses déficits. L'autre politique, c'est un mythe? Est-ce que l'autre politique, ce serait de laisser filer les déficits? Je pose la question. Donc il faut les réduire parce que comme ça, nous serons forts. C'est cette certitude technocratique qu'exprime Juppé lorsqu'il s'écrit « Je veux que la France soit un pays sérieux et un pays heureux ». Ce qui peut se traduire Je veux que les gens sérieux, c'est-à-dire les élites, les énarques, ceux qui savent où est le bonheur du peuple, soient en mesure de faire le bonheur du peuple, fût-ce malgré lui, c'est-à-dire contre sa volonté. En effet, aveuglé par ses désirs dont parlait le philosophe, le peuple ne connaît pas son bonheur, en particulier son bonheur d'être gouverné par des gens qui, comme M. Juppé, connaissent son bonheur mieux que lui. Voilà comment pensent les technocrates et comment ils entendent la démocratie. Et l'on comprend qu'ils ne comprennent pas que le peuple, au nom duquel ils prétendent gouverner, descende dans la rue, comble d'ingratitude pour s'opposer à eux. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. En décembre 1995, le plan Juppé vise à abolir les régimes sociaux pour les cheminots, la RATP et EDF. Son discours va mobiliser, vous l'avez entendu, le registre de la rationalité, du sérieux de la France. C'était une archive de France du 10 décembre 1995 face à Olivier Duhamel. Et Pierre Bourdieu, le 12 décembre 1995, va aller à la gare de Lyon, s'adresser aux cheminots grévistes et tenir le discours dont je viens de lire un court extrait. C'est la première fois qu'il s'investit publiquement et explicitement, disons dans un engagement politique, alors que jusque-là son travail était plutôt du côté théorique. Et là, il devient bah, presque comme Sartre, à qui il reprochait justement d'être un intellectuel engagé, Étienne Ollion. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant, hein. À 25 ans d'écart, en fait, on pourrait retrouver exactement les mêmes discours. Le sérieux d'un côté, la rigueur au moment justement de la négociation des retraites menée par le gouvernement Philippe et les oppositions à ce sujet. Alors, ce que fait Bourdieu à ce moment-là, c'est en effet un déplacement dans sa carrière. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas été intéressé à la politique. Évidemment, je pense qu'il l'était très, très fortement. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas été actif dans certains domaines politiques. Il a, par exemple, sur l'école, écrit une série de rapports. Mmh. Il a rendu des rapports, en particulier à Michel Rocard, quand celui-ci était Premier ministre. Mais en 1995, Bourdieu va, pour des raisons qui seront sûrement explicitées par un biographe ou son biographe, s'investir très largement, en fait, dans le mouvement social qui est alors naissant. Et c'est vrai que ça va donner un rapport assez différent. Déjà, ça va beaucoup diffuser Bourdieu au-delà des simples sphères académiques, intellectuelles, puisqu'il va devenir en fait une figure de ce mouvement social naissant. Et puis, ça marque aussi un petit déplacement, puisque Bourdieu va... il avait déjà commencé, mais continuer à publier des textes d'intervention plus rapides, plus courts, plus directement politiques. C'est les textes qu'il publie dans sa collection Raison d'agir, Contre-feu, en fait, qui sont des interventions publiques. Et puis, bien sûr, Sur la télévision, qui est un de ses livres les plus souvent mentionnés, qui est aussi un de ses livres où, pour une fois, il n'avait pas fait d'enquête. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce discours, Bourdieu prend certes, évidemment, le parti des cheminots grévistes, mais au nom du maintien d'un certain État. Le discours commence en disant « Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent depuis 3 semaines contre la destruction d'une civilisation associée à l'existence du service public, celle de l'égalité républicaine des droits, droit à l'éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l'art et par-dessus tout, droit au travail. Ça veut dire ici que ce qui importe à Bourdieu, ce n'est pas de favoriser, de souffler sur les braises d'une insurrection qui serait anti-étatique, mais au contraire d'en appeler au maintien d'une forme d'État qui, elle, serait légitime et en faveur du statut des cheminots. Oui, je pense que ça c'est très clair en fait dans la pensée de Bourdieu, hein, c'est que, on le disait en introduction, l'État n'est pas que coercitif, en fait, l'État c'est aussi le moyen de la libération individuelle, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui traverse les travaux de Bourdieu. Une lecture un peu rapide pourrait dire que, par exemple, il a été extrêmement critique par rapport à l'école. Mmh. Je pense que c'est plus juste, en fait, de dire qu'il a été critique par rapport à un certain discours qu'il qualifierait de naïf par rapport à l'école, selon lequel, en fait, la démocratisation scolaire des années 1950-1960 avait donné lieu à l'avènement d'une méritocratie. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose qui traverse tout le travail de Bourdieu, c'est que porter un regard critique ne veut pas forcément dire que l'institution ou les groupes qu'on étudie soient des groupes qui ou des institutions qui doivent être jetés dans les poubelles de l'histoire. Mais ça, c'est très important de le rappeler, parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui justement en disant quand on est contre la police, donc contre l'État, l'État n'est pas que cette force coercitive. Ça paraît évident peut-être quand on travaille sur Bourdieu, mais je crois que c'est pas forcément ce qu'on entend toujours. Tout à fait, et là je pense en effet que Bourdieu n'aurait pas, je ne sais pas, hein, mais n'aurait pas été forcément en faveur de l'abolition de la police. Et voici une discussion qu'il a avec l'écrivain Günter Grass. C'est intéressant de voir comment l'un et l'autre, c'est un extrait du film de Pierre Karl, hein, La sociologie est un sport de combat, se surprennent à vouloir non pas la fin de l'État, mais l'invention d'un nouvel État. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'État est dessaisi de son pouvoir à un point dont les anarchistes n'auraient jamais osé rêver. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour viendrait dans ma vie où je me mettrais à revendiquer plus d'État. Mais c'est la réalité. Et je suis maintenant dans une situation tout à fait étrange, puisque je me vois obligé de demander qu'on donne davantage de responsabilités à l'État et qu'on lui permette de jouer son rôle de régulateur. Là, c'est typiquement ce type de renversement dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes amenés, paradoxalement, à défendre des choses qui ne sont pas complètement défendables. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire qu'il faut revenir à plus d'État ? Il me semble que pour ne pas se laisser enfermer dans l'effet de révolution conservatrice, il faut dire qu'il faut inventer un autre État. Inventer un autre État, ça veut dire quoi, Étienne Ollion ? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que ça montre dans ces années 1990 qui font suite, en fait, aux grandes politiques de dérégulation et de déclin, en fait, de la puissance publique, ce à quoi Bourdieu et ici Grasse appellent, c'est à réinvestir l'État comme étant un moyen, en fait, d'assurer des conditions égales de vie à tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui propose, c'est vraiment de réinvestir l'État pour que l'État ne soit pas simplement le lieu du pouvoir administratif tel qu'il sur le papier, mais qu'il soit le lieu de la puissance réelle. Précisons quand même, on l'a à peine abordé, dans son livre La noblesse d'État, il montre justement que l'État est aussi constitué, et ça c'est peut-être plus intuitif pour nous, par cette noblesse, c'est-à-dire cette élite qui représente visuellement et explicitement ce que serait la force elle-même de l'État, et que c'est progressivement qu'il va essayer d'incorporer dans cette pensée de l'État d'autres éléments qui correspondraient à la main gauche de l'État. Oui, tout à fait. Le livre de 1989, La noblesse d'État, est un livre qui s'intéresse vraiment à toutes les personnes qui sont en haut du champ du pouvoir et plutôt du côté du champ administratif et donc à tout ce qu'on appellerait aujourd'hui la haute fonction publique. Et alors c'est vraiment intéressant en fait de s'intéresser à ce groupe à la lumière de ce qu'on vient d'entendre parce que on sait par exemple à l'heure actuelle que pas dans toute la haute fonction publique, même pas dans tout l'ENA, mais au sommet de l'ENA en fait, les personnes qui sortent bien classées dans la botte ont de plus en plus tendance à l'heure actuelle à faire des allers-retours entre le public et le privé, à faire ce qu'on appelle pantouflé. Hein. Il y a un livre qui l'a très bien montré, qui est sorti l'année dernière, de Pierre France et Antoine Vauchès, qui s'appelle « Intérêt privé, sphère publique », et qui montre que tout au sommet de l'État, vous avez ces espèces de va-et-vient, de basculement, en fait, de personnes qui vont être qui à Bercy, qui dans un ministère régalien, et qui de là, en fait, se font débaucher par des entreprises privées, qui évidemment peuvent leur offrir des salaires bien plus conséquents. Ce qui a pour conséquence que parfois, ça peut les amener à tempérer un petit peu leurs exigences de régulation et de contrôle, qu'on peut avoir au sommet de l'État vis-à-vis des entreprises privées. Et donc, la thèse que défend de manière assez convaincante Vaucher France, c'est de dire qu'on a vu ce déplacement, que ce déplacement s'est accru, en fait, et qu'on a là, ici, une manifestation de cette éviscération progressive de l'État, en fait, où même quand des personnes sont encore... à la charge et finalement financés, payés par l'État, ils sont déjà au moins en partie en train d'anticiper un possible basculement de l'autre côté et que donc la puissance n'est plus dans l'État. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer entre autres l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui... sont d'excellentes qualités et profondément engagées. Mais sur ce sujet, je ne crois pas du tout, en quelque sorte, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. On va changer le classement de sortie, on va changer... Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là. Et donc, la mission de M. Thierry, ce sera de soumettre au gouvernement... des propositions très claires pour refonder le recrutement de nos fonctionnaires, pour l'entrée en carrière comme tout au long de la vie, les modes de formation pour nos fonctionnaires et la gestion des carrières. Que devient ce discours d'Emmanuel Macron quand on chausse les lunettes bourdieusiennes, Étienne Ollion? Déjà, on l'entend parler d'habitus. Mmh. Suffit-il de supprimer l'ENA pour supprimer un habitus? Quelle aurait été la position de Bourdieu sur ce sujet? Oh là là, on est c'est toujours bizarre de poser cette question-là. Mais... la politique fiction, mais je pense, si j'essaie d'utiliser les principes générateurs de ce qu'il a pu écrire, que Bourdieu dirait que l'ENA, en effet, est une espèce de groupe. Enfin, d'institution qui tend à monopoliser pour lui la plupart des postes centraux de la haute administration publique. Alors, il n'y a pas que l'ENA, hein, il y a aussi l'inspection des finances, dont on peut accéder après l'ENA, mais il y a aussi le corps des mines, où on accède assez peu après l'ENA en général. Cette situation-là peut avoir des effets négatifs. Alors, je dirais des effets d'autant plus négatifs qu'on multiplie ces passages entre le privé et le public que j'évoquais précédemment. Je pense pas qu'en soi ce soit problématique, même si, encore une fois, je connais pas de texte de Bourdieu qui dise ça, mais semble assez clair que prendre des personnes qui sont sursélectionnées socialement et par ailleurs qui ont tous à peu près la même formation, puisque c'est par-delà la diversité des personnes qui vont à l'ENA, c'est quand même un ensemble relativement homogène de personnes qui sont passées par Sciences Po et qui ensuite vont faire cette école. Peut-être que la haute fonction publique gagnerait et se régénérerait en fait à s'ouvrir un petit peu à des profils et des trajectoires différentes. Que ce soit en termes de diplôme, on pourrait envisager que pour accéder à certains postes, en fait, il n'ait pas forcément fallu faire l'ENA ou les mines, mais que, sans plaider pour ma chapelle, le doctorat puisse être quelque chose qui soit utile. En parlant de population aussi, hein, peut-être que des gens qui viendraient d'autres parcours sociaux, en fait, apporteraient quelque chose. Mais je pense que c'est à peu près ça que Bourdieu aurait dit. Oui, non, mais je vous pose la question parce que c'est important de savoir quelle est la position de Bourdieu par rapport au statut de ces grandes écoles, notamment, et c'est-à-dire aussi de cette noblesse d'État qui l'intéresse. Suffirait-il de supprimer les grandes écoles dont lui-même a fait partie pour changer l'habitus? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que la société n'est pas structurée de telle façon que, grandes écoles ou pas, il y aura de toute façon des modes d'agir concernant une certaine frange de la population se considérant comme étant dominant? Oui, de toute façon... C'est une question qui se pose. Ah bah, non seulement elle se pose, mais je pense qu'en posant la question, vous incitez déjà et vous orientez déjà... Enfin, on va déjà vers la réponse, puisque si vous regardez dans tous les autres pays qui n'ont pas forcément, en fait, ces parcours, les classes préparatoires, les grandes écoles, ils ont quand même une élite, et ils ont quand même une élite qui peut aussi avoir des pratiques qui sont finalement assez proches, en fait, de ce qu'on décrit ici. Donc, de ce point de vue-là, c'est... supprimer en fait l'institution ne changerait probablement pas grand-chose en soi. Par contre, repenser la manière dont on arrive dans l'institution, repenser la manière dont on enseigne dans cette institution et repenser les possibilités qui sont offertes aux personnes à la sortie de cette institution ou de ces institutions et les carrières, ça aurait certainement des effets sur les manières de pratiquer la politique à l'heure actuelle. Il nous reste 5 minutes, Étienne Olion, il y a encore tellement de choses à dire sur le sujet. Un point qui me paraît central, et c'est le suivant. Bourdieu souvent compare l'État, enfin compare l'approche sociologique à l'approche théologique quand on parle de l'État. Mmh. Il dit qu'il faut désacraliser l'État, et c'est comme s'il se demandait finalement est-ce qu'on ne croit pas en l'État comme on croit en Dieu, ce qui sous-entend que ce qu'on appelle l'État serait peut-être une forme d'illusion. Alors bien sûr, c'est un point de vue laïque quand je prononce cette phrase, mais ça veut dire que c'est l'effet d'une croyance, c'est quand même assez surprenant. Oui, mais on revient en fait sur la définition qu'ils ont donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il dit que l'État, c'est le groupement qui revendique avec succès le monopole de la violence physique et symbolique, finalement, l'État, c'est ce qui, cette entité, en fait, qui est dans une possibilité de diffuser des manières de voir et qui fait oublier même qu'elle a imposé ses manières de voir et qui donc s'impose comme telle. Mais c'est sûr que Bourdieu lit beaucoup la question de l'État et la question de l'universel, en fait, pour lui. Ce qui est peut-être d'ailleurs un point de vue assez français, en fait, sur le rapport à l'État. Je pense que si on regardait dans d'autres pays, moi, j'ai, vous l'avez dit, fait ma thèse aux États-Unis. Mmh. Je pense qu'on a des rapports à l'État. Déjà, il n'y en a pas un. Il y a un État fédéral, il y a 50 États locaux. Et puis ensuite, le champ du pouvoir est lui-même beaucoup plus fragmenté. Une décision peut être contestée par des cours de justice locales puis nationales. Donc ça donne un champ du pouvoir qui est différent et qui a peut-être aussi des capacités d'imposition bien moindres, en fait, qu'un État français qui dispose, non seulement ne parle que d'une seule voix, mais ou plutôt d'une seule voix, mais en plus a les capacités d'imposition via son système scolaire, largement public, sa capacité d'imposition de programmes scolaires, sa capacité de financement des associations et des administrations, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, en fait, on a des formes d'État qui sont assez différentes selon les moments et selon les sociétés. Mais comparer l'État à Dieu, c'est une manière aussi de... presque de désaveu ou de rendre impossible toute forme de remise en question de cet État. C'est justement, il est le produit d'une sorte de fiction ou d'habitus ou de fait de postuler l'existence d'une instance supérieure qui viendrait s'imposer à nous, alors qu'en fait, c'est la façon qu'a nos consciences d'être structurées qui postule l'existence de l'État. Qu'est-ce que ça laisse comme marge de manœuvre aux citoyens que nous sommes qui voulons, de temps à autre, ou voire tout le temps, ça dépend qui, remettre en question cet État? Tout dépend de votre croyance, en fait. Il y a des religions qui laissent plus de place à l'interaction avec Dieu et il y en a d'autres qui sont plus dans une approche où on est le réceptacle, en fait, de la volonté divine. Donc, je pense que là, il faudrait regarder dans les différentes théologies pour voir celle qui permet d'avoir des interactions, voire même des interventions auprès de Dieu. Et je pense que Bourdieu serait, si on doit faire ce parallèle un peu osé, plus proche, en fait, de ces théologies et dirait donc qu'on peut assez facilement intervenir auprès de l'État et le modifier. Mais, parce que ce parallèle est quand même très surprenant, l'État est Dieu, quel est le rôle d'un président de la République, par exemple? Est-ce que ce serait pas lui-même Dieu? C'est le porte-parole d'un Dieu? C'est quoi? Ce serait bien qu'il ne croit pas qu'il est ça, mais... Jésus? Non, je ne crois pas. Quelle légitimité on accorde à un président si celui-ci a pour fonction de diriger un État qui lui-même n'est sans doute qu'une illusion? Vous voyez, ça pose quand même des problèmes. Mais je sais pas si, je pense pas que Bourdieu dirait que l'État est une illusion, et je pense qu'il dirait que c'est le... Il parle de pouvoir quasi magique de l'État, enfin, de ses cours sur l'État, il va jusqu'à prendre l'image de l'illusion. Oui. Je suis un peu embêté pour vous répondre sur ce point-là, parce que finalement, je sais pas ce que... Je pense que là, Bourdieu fait référence à des travaux. Il convoque, comme à son habitude, en fait, des textes d'anthropologie, des textes sur le sacré, en fait, pour tenter les textes sur le sacré de Durkheim, en fait, où justement Durkheim tentait de montrer que, à travers l'exemple du sacré, c'est les formes élémentaires de la vie religieuse, qu'il y avait la diffusion de manières de voir bien plus générales au sein d'une société donnée. Donc, je pense que ce parallèle, il se fait plutôt à cet endroit-là. Mmh. Sur la question de la religion, je suis agnostique. Quant au mode de diffusion de ce pouvoir qu'est l'État, on en parlait en début d'émission, encore un dernier mot là-dessus, ça veut dire que par exemple quand les instances représentatives de l'État, par exemple le président ou des ministres, prennent position par rapport à un sujet de société, ça a une influence directe sur nous autres citoyens. Quand Emmanuel Macron prononce son discours sur le séparatisme, ça a une conséquence directe sur la façon dont nous concevons le rôle de l'islam en France, ou la place de l'islam en France? En tout cas, ça a une conséquence. Je ne sais pas si elle est directe et je ne sais pas si elle est complète, mais Bourdieu, en effet, dirait que l'État a cette capacité d'imposition, et c'est quelque chose qu'on peut valider empiriquement. Moi, dans mon travail de thèse, je m'étais posé la question de savoir ce qui se passait quand les pouvoirs publics définissaient une liste de sectes, donc une série en disant, voilà, ça c'est des groupements qui sont dangereux, dont il faut se défier. Donc j'ai dit tout à l'heure que ça avait des effets effets sur la cause, que ça l'augmentait ontologiquement. Ça a aussi eu des effets sur ces groupes, et j'avais cherché à le mesurer, et j'avais pris pour ça un groupe, en fait, en particulier les témoins de Jéhovah. Pourquoi les témoins de Jéhovah ? Parce que ils vont être assez tardivement accusés d'être des sectes en France. Hein, c'est seulement dans le rapport de 1995. Avant ça, ils étaient en France depuis un siècle, et on les avait laissés plutôt de côté. Mais ils vont brutalement être mis dans cette liste, ou en tout cas soudainement. Et pourquoi les témoins de Jéhovah aussi? Parce que ils étaient le groupe le plus massif en fait en France, hein, plus de 150 000 membres, bien répartis sur le territoire national, et donc ça permettait d'éviter des effets un peu locaux s'il y avait eu dans ma mesure en fait ça pouvait poser des problèmes. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré en contact avec les témoins de Jéhovah, je leur ai demandé comme indicateur, et c'est ce qu'on fait en sociologie, on cherche des indicateurs en fait, est-ce que vous pourriez me faire remonter, ils l'avaient déjà un petit peu fait eux-mêmes, l'ensemble des actes qui ont été faits contre vos lieux de culte, qui s'appellent des salles du royaume depuis une trentaine d'années. Et les témoins de Jéhovah, étant une organisation weberienne, bureaucratique, rationnelle, extrêmement bien organisée, avaient pris note de tout, depuis le tag sur la porte de la boîte aux lettres, jusqu'à l'incendie en fait de la salle du royaume. Et donc j'avais 30 ans d'archives que j'ai collationné et que j'ai tenté de mettre en tableur ensuite, de manière à pouvoir faire des statistiques. Et ce qu'on voit assez clairement, c'est qu'à chaque fois que les pouvoirs publics vont dire les témoins de Jéhovah sont une secte, en fait, vous allez avoir une augmentation des actes d'incivilité, de violence, voire même les incendies contre les salles du royaume. Ça ne veut pas dire que l'État demande ou que ses ministres demandent en fait qu'on fasse ça, hein, mais ça veut dire qu'il y a une capacité d'imposition qui est que secte égale négatif égale dangereux, qui peut en fait avoir comme effet d'armer certaines personnes et de les armer parfois au sens le plus littéral du terme. Alors je reviens à votre question sur l'islam. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand un ministre dit l'islam est potentiellement séparatiste ou l'islam est potentiellement dangereux ou l'islam est... Enfin, c'est l'islamisme radical généralement. Parfois c'est l'islamisme radical et parfois c'est l'islam. Mmh. Et donc on a parfois des ministres qui évoquent une potentielle incompatibilité de l'islam avec la France ou la société française ou sa culture. Qu'est-ce que ça fait quand on ne fait pas cette distinction-là ? Bah, potentiellement, on peut supposer que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qu'on vient légitimer le fait que cette religion se trouve du mauvais côté, en fait, et qu'elle est potentiellement dangereuse. Donc il y aura un travail d'éducation à faire, la prise de parole des ministres et des gouvernants eux-mêmes, au fond, pour mesurer l'influence que chaque mot qu'ils prononcent a sur tous les citoyens. Je pense qu'ils le savent déjà, puisqu'ils voient très vite les retombées que peuvent avoir n'importe quelle prise de position. Mais je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être quelque chose dont ils n'avaient pas complètement conscience. La structuration des mentalités. Merci beaucoup Étienne Ollion d'être venu nous parler de l'État chez Bourdieu ce matin. Merci à vous. Votre livre s'appelle « Raison d'État, histoire de la lutte contre les sectes en France ». On le trouve aux éditions de La Découverte. Vous pouvez lire sur l'État les cours au Collège de France de Bourdieu entre 89 et 92 aux éditions du Seuil. On se quitte avec Renaud, la société... Tu m'auras pas. Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi qui viendra, après moi c'est pas fini. On les a récupérés, oui mais moi on m'aura pas. Je tirerai le premier, je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme, qui étaient pas vraiment virils, mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits, ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains. J'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il affronter l'absurde ? En 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, paraissent 2 et même 3 livres d'un auteur qui sera désormais célèbre jusqu'à sa mort prématurée en 1961. Et cet auteur sera célèbre en particulier pour une notion qui est au cœur de ses 3 premiers livres en 1932, un roman intitulé « L'étranger », un essai intitulé « Le mythe de Sisyphe » et une pièce qui s'appellera « Caligula », un auteur donc appelé Albert Camus. Et cette notion pour laquelle il est célèbre, c'est la notion de l'absurde. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'absurde ? L'absurde, pour Camus, en plein cœur de ce qui deviendra aussi l'existentialisme, l'absurde, ça n'est pas purement et simplement l'absence de sens. Quelque chose n'est pas absurde simplement parce qu'il est dénué de sens. L'absurde est quelque chose qui paraît dénué de sens à quelqu'un qui cherche du sens. Ainsi, il n'y a d'absurde que pour quelqu'un qui cherche le sens des choses, le sens de la vie, qui certes va renoncer à le trouver de manière dogmatique, mais qui néanmoins ne va pas renoncer à sa quête de sens et qui ainsi se découvre lui-même comme être humain, comme animé par la quête de l'absurde en tant que quête légitime d'un être qui recherche le sens, même si cette quête est vouée à être déçue. Et celui qui l'a très bien compris, c'est Jean-Paul Sartre, qui un an plus tard, dans L'être et le néant, fera de l'homme une passion inutile, une passion du sens, vouée à être désavouée, en quelque sorte, vouée à être déçue, et qui pourtant ne doit pas renoncer à sa recherche. Et Sartre, dans sa lecture de L'étranger de Camus, un texte où il manifeste sa proximité avec Camus, eh bien reconnaîtra que l'absurde a bien cette fonction. Non pas d'être le vide de sens, mais ce qui résiste à notre demande de sens. Ainsi, l'absurde chez Camus s'oppose-t-il à ce qu'il appelle et qu'il critique sous le nom de nihilisme. Le nihilisme, c'est l'idée, au contraire, que le néant de sens est le terme absolu. Et ce nihilisme peut nous conduire à renoncer à notre propre demande de sens. C'est pourquoi le risque moral premier pour Camus, dans le mythe de Sisyphe, c'est le risque du suicide. Le risque du suicide par désespoir du sens. Le risque du suicide face à la perte absolu du sens. Face à ce risque de suicide, Camus est bien modeste. Il n'y a que l'absurde et le courage humain de l'absurde qui pourtant profite aussi de la beauté du monde. Car il y a aussi un autre risque pour Albert Camus, un risque qu'il dénoncera 10 ans plus tard, à peu près dans la fin des années 40, notamment dans L'homme révolté, c'est le risque de l'excès de sens. Les logiciens de l'existence, ceux qui donnent tellement un sens à l'existence qu'ils sont prêts à tuer pour le sens de l'existence. À côté du risque du suicide, il y a le risque de l'assassinat et du meurtre. Entre les deux, tenir à l'absurde, l'affronter, ne renoncer à aucun des deux pôles de l'absurde, la demande humaine de sens et la résistance du monde à cette demande, c'est tenir la vie humaine sous la question de son sens. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page « Le pourquoi du comment ». Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Hélène Losseur.